Radio Campus, Lille, 106,6 FM. Contre-culture, Random. Random. Émission radiophonique, un dimanche sur deux, 19-20h. De l'information, de 19h à 20h. Radio Campus, Lille. C'est Random. 106,6 MHz. 106,6 Hacker du groupe Dégénéré Sciences Libres sur Radio Campus un dimanche sur deux. Random, l'émission préférée des N-Tech. Oh, comme c'est fort. Bonsoir, bienvenue sur Radio Campus pour ceux qui nous rejoignent. C'est Random, la 15e. Donc, Donc avec Matt Martigan à la technique. Bonsoir. Et Little Charlie. Bonsoir. Voilà, donc aujourd'hui, dans les actualités, nous allons parler de Bluebeer. On verra ce que c'est, encore un petit outil qui concerne le réseau Torrent. Ensuite, on parlera du week-end de soutien à Toi Libre. Voilà. On verra ensemble. On aura peut-être quelqu'un qui va intervenir sur le programme de Toulouse Hacker. Toulouse Hacker. C'est là. Et on verra aussi un peu l'ouverture à Grasse-Presse sur l'île. Ouais. Alors, moi je t'entends très mal là. Ok, j'ai même pas entendu ce que tu avais annoncé. Le programme du THSFS, du Toulouse Hackerspace Fest 2010, qui aura lieu du 29 au 30 mai. Ensuite, on parlera aussi des actualités du monde du logiciel libre, les sorties qui ont eu récemment ou qui vont avoir lieu. On parlera des hauts lieux. On verra ce que c'est les hauts lieux. Donc ça, c'est vraiment dans l'actualité locale, on va dire. Et ensuite, nous parlons du localhost. On verra également ce que c'est le localhost. Voilà. Notre dossier aujourd'hui, bah, ça va être sur les hackerspaces. On verra un petit peu les hackerspaces. Et ensuite, on passera à l'agenda. L'agenda, tout ça entrecoupé de petites pauses musicales. Et voilà. Voilà, voilà. Donc tout de suite, rentrons un peu dans le vif des actualités. En fait, c'était juste... t'avais inversé de micro. D'accord. C'est pour ça qu'on m'entendait pas bien. Déjà que j'ai un peu la voix cassée, désolé pour les auditeurs. Ouais. Exact, correct. Voilà. Donc ceci étant réglé, on passe directement aux actualités. Bluebeer, par exemple. Donc Bluebeer, c'est quoi? C'est un logiciel, c'est... Alors, Bluebeer, c'est un outil développé par une équipe de chercheurs de l'INRIA, donc l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, encore à l'état de POC, Proof of Concept. Voilà. Donc l'ours bleu permet trois choses, en gros. Hein. Alors, d'identifier les fournisseurs de contenu, les seeders. Donc ça concerne le réseau Torrent. Hein. Pardon, je n'ai pas... donc c'est un outil qui travaille sur le réseau Torrent. Donc il permet d'identifier les fournisseurs de contenu. Donc, ce qu'on entend par fournisseur de contenu, c'est le premier qui met à disposition un contenu, par exemple. Le document parlait de seeder 0. Ouais, on appelle ça le seeder 0, ouais, tout à fait. Enfin, on peut l'appeler comme ça, le premier seeder, en fait, on va dire. Seeder, c'est le fait de mettre à disposition un contenu, quoi. Voilà. Il permet également d'identifier les pairs et d'établir une cartographie en fait de qui télécharge quoi sur qui, en gros, et d'identifier certains pairs qui se cachent derrière Tor. Voilà. Donc. Alors en fait, l'identification, ça vient du fait que le protocole BitTorrent utilise l'UDP pour transporter les informations plus vite. Ouais, il n'y a pas de checksum sur les datagrammes. Je vais venir. Si tu me coupes. Voilà, donc je vais reprendre en gros les trois points. Hein, donc identifier les fournisseurs. Alors, les fournisseurs de le premier seeder, le seeder 0, donc on va l'appeler. Alors, il y a deux techniques. La première, c'est qu'il récupère en fait toutes les minutes les nouveaux fichiers torrent sur les sites de partage de référence. Hein, donc, on va dire les plus gros sites qui référencent, quoi. Puis, en fait, il se connecte immédiatement à ce torrent. À partir de là, en fait, vu qu'il est le premier, dans les premiers, leasher, c'est un terme aussi, il y a les seeders et les leashers. Les leashers, c'est ceux qui prennent, les seeders, c'est ceux qui donnent, en gros. Voilà. Eh bien, il y a une forte chance en fait pour qu'il se connecte directement au seeder initial. Comme c'est fait toutes les minutes, dès qu'il y a un torrent qui sort, au départ, en général, schéma classique, il n'y a qu'une personne qui le donne. Donc hop, il va se connecter dessus et il va voir qui c'est, il repère son IP. Voilà. La deuxième possibilité, c'est de se connecter au site web qui regroupe les torrents uploadés par un même utilisateur. Les sites, typiquement c'est les sites où on se log en fait en tant que pour déposer des fichiers. On se log et du coup en fait il y a une activité quand je dis log c'est on a un login et un mot de passe donc on s'identifie carrément sur ce site et du coup en fait et ben il y a quand vous déposez un contenu on sait qui a déposé ce contenu etc. Donc là Bluebeer en fait récupère alors les torrents propres à cet utilisateur et ressort l'adresse IP qui est la plus souvent présente lors de la récupération de ces fichiers, c'est à dire qu'en fait en se connectant en téléchargeant tous les fichiers en fait, qu'a mis à disposition un utilisateur particulier, il va par correspondance en fait, retrouver tout le temps la même adresse IP dans tous ces fichiers. Et ce sera forcément lui en fait, qui sera le seeder 0. On parle toujours du seeder 0. Voilà. Et dans le cas où les sites ne s'identifient pas en fait, les utilisateurs par un login, il reste quand même possible de recouper via certaines informations, alors c'est type de contenu, nom de fichier, encodage, date de publication, nom de la team, etc. pour remonter au premier seeder. Voilà. Alors dans certaines communautés, les utilisateurs sont encouragés à distribuer d'abord les fichiers, donc dans la communauté assez réduite de partageurs de confiance, avant de sortir le torrent au grand public. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura plus un seeder 0, il y aura une équipe de seeder 0. Ils vont se le passer avant de le seeder. Donc dans ce cas-là, y aura plusieurs seeder 0. Quoi. Mais bon, ils seront quand même identifiés, même s'ils sont plusieurs. Voilà, voilà. Pour la cartographie de qui télécharge quoi sur qui. Alors, en fait, ils ont fait un simple client torrent maison qui se base sur les infos hash qu'il obtient via les requêtes scrap des trackers. Ce qui leur permet de retrouver 90% des pairs qui s'échangent sur un même torrent. En gros, c'est un client amélioré capable de faire la corrélation en fait, entre des torrents de différents réseaux de trackers qui n'auraient pas de passerelle naturelle. Je m'explique. Par exemple, on peut télécharger un fichier sur un réseau de trackers, par exemple des réseaux privés. Il en existe plusieurs, hein, je ne vais pas les citer. Et... en fait, nous, une fois qu'on a ce contenu, on peut très bien le déposer sur un tracker public. Là, je prends un exemple, hein, tout à fait au hasard. Et dans ce cas, en fait, et on peut, par exemple, changer le nom. Voilà, dire, par exemple, en général, les contenus privés, si la personne qui a mis le contenu sur un site privé se rend compte qu'il y en a qui le mettent sur un truc public, bon, on sait peut-être pas, donc il va changer le nom, etc. Mais c'est le même fichier, donc il aura le même info hash. Un client classique ne fera pas la corrélation entre les deux, parce que ce sera des réseaux de trackers différents. Et quand on va télécharger un fichier grain, donc un point torrent, en fait, il y aura la première liste des trackers répertoriés, mais pas la suivante. Bref, bon bah, leur client, eux, est capable de récupérer en fait tous les clients. Donc c'est en gros, ils ont fait un client torrent amélioré, quoi. Sans plus, voilà. Alors, quelques chiffres pour en espérant que ça vous parle un peu. C'est 5 à 10 millions d'adresses IP qui s'échangent, quelques 2 millions de torrents récupérés en 30 minutes avec un ordinateur classique. Donc c'est 5 à 10 millions d'adresses IP, ça varie du simple au double, mais bon, c'est vraiment en fonction du contenu. Hein. Et on voit qu'en 30 minutes sur un ordinateur classique, ça demande pas beaucoup, leur technique ne demande pas beaucoup de puissance de calcul, ou c'est vraiment accessible. Quoi. Voilà, alors pour le dernier point, les utilisateurs de Tor, en fait, ils utilisent DHT. DHT, c'est Distributed Hash Table. C'est en gros ce qui permet de trouver plus de paires, et ça utilise le protocole UDP, en fait. Et par défaut, Tor n'encapsule pas UDP. Donc c'est l'adresse réelle qui est utilisée. Voilà, donc, vas-y. Oui, l'utilisation de Tor, c'est un peu une encapsulation en oignon. On va faire passer un message par différents routeurs qui vont à chaque fois rajouter une surcouche. Ouais. Donc, d'où le nom de The Onion Router. Simplement, utiliser un bon VPN classique, du L2TP ou de l'OpenVPN, ouais, voilà. Ou de l'IPsec. Et donc ça peut résoudre le souci. Ouais, y a aussi une... Ouais, voilà. En fait, il y a une petite parenthèse sur Tor, justement. Tous les services, en fait, que vous faites passer sur Tor, qui utilisent à un moment donné l'UDP, vont utiliser l'adresse réelle. Donc il suffit que vous utilisez un seul service UDP pour compromettre, en gros, tous vos services par corrélation. Mais Tor, en fait... Le problème de Tor survient quand on utilise le client en mode socket TCP. Mais en utilisant le mode socket, le Tor encapsule le trafic TCP et UDP. Tout passe par le tunnel, en fait. Donc on peut. C'est le comportement par défaut de Tor, en fait, va permettre d'utiliser DHT. Mais il suffit juste de changer, en fait, le mode, de ne pas utiliser le mode socket TCP, mais d'utiliser le mode socket. Et là, en fait, il va encapsuler également l'UDP. Donc le problème est résolu, en gros. Voilà, donc à tout bon entendeur. Hein. Ça, c'est un petit tuyau de Kikulo Master. Voilà, moi, je suis pas un utilisateur de Tor, donc je fais confiance là-dessus. Voilà. Donc, t'as quelque chose à rajouter? Non. On va passer au programme du THSF 2010. C'est le Toulouse Hacker Space Fest 2010. Alors, qu'avons-nous au programme? Déjà, c'est le week-end du samedi 29 mai et dimanche 30 mai 2010. C'est organisé par le Theta Lab. Voilà. Et on a au programme... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais reprendre un peu ce que nous a fourni le Theta Lab. Hein. Pour faire court, une rencontre qui brasse des gens venant d'horizons culturels et techniques très divers autour de l'utilisation créative des technologies, leur appropriation et la compréhension des enjeux qu'elles suscitent. Voilà. Alors, le type de conférence, la première samedi 29 mai au matin, 10h45, 11h45. Alors, le titre, c'est activistas.net. Eriamentas 2.0 para la Dolocendra Civil. Je ne parle pas du tout espagnol. Donc c'est une conférence espagnole avec une traduction simultanée en français. Voilà, alors c'est animé par un réseau social de hackers activistes qui débat sur des stratégies à adopter, qui partagent leurs solutions en synchronisant un mouvement pour la création et le maintien d'une société libre avec les technologies libres. Voilà. Ensuite, à midi, il y aura craquer la cryptographie quantique, mode d'emploi. Donc, la cryptographie quantique qui utilise des particules de lumière, photons, comme bits quantiques pour coder l'information est réputée incraquable. Dans la mesure où la sécurité de ces protocoles repose sur les lois, a priori inviolables, de la physique quantique. Nous illustrerons ici comment craquer de tels cryptosystèmes en exploitant des imperfections physiques de leurs détecteurs à photons uniques. Donc voilà le type de... Je vous passe, hein, les petits commentaires. De toute façon, on mettra tous les liens pour que vous puissiez retrouver les infos. Là, je vous sors un peu le planning comme ça en vrac. Donc samedi dans l'après-midi, il y aura découverte de l'interface multitouch PyMT et du tracker Movid. Donc PyMT, c'est un framework Python pour la création d'interface multitouche, pour faire simple. Voilà, avec Movid. Movid, c'est un tracker C++ conçu pour être modulaire et performant. Voli voilou. Donc toujours samedi dans l'après-midi, il y a Hacking juridique for Fun and Justice. C'est intervention d'un avocat sur les conséquences de l'utilisation non prévue des règles de droit dans les litiges. Donc voilà, intéressant, un petit peu côté juridique. Il y a encore une conférence espagnole à 16h30. Alors, autogestion y production culturelle. Voilà, donc traduction simultanée également. Ensuite, à 17h45, il y aura la Social Federated Communication System, système de communication fédéré pour réseaux sociaux. Voilà, c'est pareil, c'est en espagnol, traduction simultanée, et il y aura un support en anglais disponible. Ensuite, on passera au dimanche 30 mai au matin. Donc à 10h45, il y a OpenStreetMap, donc une petite conférence sur OpenStreetMap. À 12h, il y a DoAI Botnet, présentation d'un concept de botnet Postfix Windows 32. Multi-architecture. Voilà. Ensuite, à 14h, donc dimanche après-midi, il y a Pure Darwin. Donc c'est un système d'exploitation basé sur les fondations open source de Darwin. Donc voilà. Ensuite, il y aura un petit atelier. Darwin, pour préciser, c'est le noyau du système d'exploitation Mac OS X. En fait, c'est un système BSD. Ouais, voilà. Ouais, n'hésite pas à compléter parce que j'ai la tête dans la feuille, mais il y a des choses que je pense pas à dire. Et puis ensuite, c'est à peu près tout. De toute façon, on vous mettra les liens sur les résumés. Où est-ce qu'on peut... Il y a plusieurs ateliers, hein. Il y aura Ginette, Reprap, il y a des workshops aussi, il y a un tas d'autres choses. Les workshops, il y a une inscription préalable nécessaire, donc renseignez-vous avant. Voilà, voilà. Bon ben, sur ce, je pense qu'on peut peut-être écouter la musique du prochain OpenBSD avant de passer aux news suivantes. D'accord. On va faire ça. Les news suivantes, ça touchera donc au week-end de soutien de Toile Libre à OpenBSD 4.7 justement. Voilà. Bon, bah à tout de suite. On se retrouve tout de suite. Bonjour les gars, je m'appelle Matt Martigan. Random. Toi, arrêtez, c'est trop risqué. C'est pas vrai. Et alors? C'est fini, je raccroche. Non, fais pas ça. C'est pas une bonne idée. Pas bonne du tout. C'est pas lui qui décide. Aucune importance. Est-ce que tu défies mon autorité? Oui. Le NKM, c'est la deuxième fois qu'elle craque son slip, là, quand même. C'est pas possible. On a de la chance. Non. Radio Campus Lille. Le coin est dangereux. Aucune importance. Arrêtez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Il a un gland dans la main! Tu dis ça à chaque fois. Tu vois ce gland? Un dimanche sur deux, de 19h à 20h, sur Radio Campus, 106,6 MHz. All I ever wanted was to keep the world secure. And all the criticizing was something I'd endure. The changes that I've been through and the trials along the way. The battle isn't over and I'm living day by day, but I'm still here. Some say that I'm a hero, but I'm just being me. With my filter I can hide my true identity. One day when I was flying across the open skies, I saw the bridge to freedom had been weakened over time. The server room was burning up and melting the array. A little breath of cold air was enough to save the day. But I'm still here, I'm still here, better than I've ever been before. I'm still free, I'm still free. Close a window, open up a door. Ever changing, I'm still righting all the wrong, but I'm still here, I'm still here, better than I've ever been before. I'm still free, I'm still free. Close a window, open up a door. Voilà, donc bienvenue sur le plateau de Radio Campus, c'est Random. Donc là, vous venez d'écouter I'm Still Here, c'est le OpenBSD Song donc pour la sortie de la 4.7. Et voilà, et juste avant, il y a eu un petit bout musical, donc je ne sais même pas ce que c'est, un CD qui traînait, qui a été échangé, voilà. Pardonnez-moi. Et donc, I'm Still Here, c'est le message que la communauté OpenBSD nous dit pour cette sortie, cette nouvelle mouture d'OpenBSD, donc la version 4.7. Donc on aura certainement des cérébrènes qui viendra nous parler des améliorations, des nouveautés, des corrections de cette mouture, vu que ou pas. ou pas. Donc voilà. Donc c'est une période, on voit que ça se réchauffe un peu parce que c'est une période de sortie au niveau du logiciel libre. Donc là, le OpenBSD 4.7, ça sort dans à peine 10 jours maintenant, un peu moins de 10 jours vu que ça sort le 19 mai. Mais il y aura la veille, il y aura Fedora 13 qui sortira le 18 mai. Il y a Ubuntu 10.4, donc LTS, donc une version à long support de Ubuntu qui est sortie le 27 avril. Donc voilà, c'est il y a les sorties des distros qui se suivent. Il y aura des choses bien sympathiques à tester. Sur Fedora 13, il y a des petites nouveautés intéressantes que tu peux... Il y a normalement juste des corrections, des améliorations du serveur Pulse Audio. Il devrait y avoir des améliorations dans Network Manager aussi, mais j'ai peu suivi le... Pas de grosse révolution, quoi. Après, ouais, j'ai peu suivi le cycle de Fedora 13. Pardon. Au niveau actualité juridique, on a eu une petite sortie de route au niveau de l'IFPI. Ouais, une sortie de route, je ne sais pas trop si on peut appeler ça comme ça. Oui, en fait, je suis tombé sur un article de Christian Ernstström. Il est membre du Parlement européen pour le compte du parti pirate suédois. Et le titre de l'article, c'est IFPI's Child Porn Strategy. Alors l'IFPI, ça veut dire International Federation of Phonographic Industry. Donc c'est la fédération internationale pour l'industrie. C'est le syndicat international d'industrie phonographique. Voilà, tout à fait. Donc il avait un entretien avec cet avocat. Et cet avocat a carrément dit, donc je cite, hein, « Child pornography is great », autrement dit, la pornographie enfantine est bien, bonne, je ne sais pas comment on peut traduire ça. Alors pourquoi il le dit, hein, It is great because politicians understand child pornography. Donc c'est bien parce que les politiciens en fait sont sensibles au sujet, en gros. By playing that card, donc en jouant cette carte, en agitant le petit drapeau rouge, comme on disait, qu'on a déjà parlé, de la pornographie, we can get them to act and blocking sit. Donc en gros, on peut obtenir d'eux qui mettent en place des solutions de filtrage pour ces sites, pour des sites traitant de la pédopornographie. And once they have done that, we can get them to start blocking file sharing sites. Donc en gros, une fois que ces systèmes sont en place, nous pouvons les récupérer pour bloquer en fait des sites d'échange de partage de fichiers. Voilà, donc c'est la position que tenait aussi un lobbyiste français en disant que il attendait avec impatience que au niveau de la LOPSI, les sites pédophiles et terroristes soient bloqués, comme ça il serait content de voir comment on pourrait expliquer que c'est possible pour la pédopornographie et c'est pas possible pour la musique. Donc, voilà, donc clairement on instrumentalise la pédopornographie histoire de pour l'industrie du divertissement, quoi. Voilà, donc voilà, c'est quelque chose qu'on voulait souligner parce que c'est, par exemple, quand on râle un petit peu sur la LOPSI, clairement, là, on est dedans, quoi. Voilà, voilà. Donc, par contre, là, on va passer à des petites choses plus réjouissantes, hein, l'activité locale, les hauts lieux. Oui, qu'est-ce alors que là, c'est un sujet assez intéressant, assez chaud. Donc, les hauts lieux, c'est un nouveau lieu culturel qui va s'ouvrir en plein centre de l'île. Donc c'est un lieu où il y aura normalement donc le local host, un hackerspace, donc on reviendra un peu plus là après dans un dossier sur le mouvement des hackerspace et sur le hackerspace lillois qu'il y aura. Donc ça va être un lieu culturel où là il y a quand même, on peut le dire, il y a pas mal de place, donc on invite tous ceux qui sont intéressés à un endroit où il y a une expression au niveau de la technologie, des arts, qui veulent un lieu où ça bouge, un lieu alternatif. Donc on invite à contacter donc le local host, qui pour l'instant est le seul contact pour les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est le centre qui est en train de se monter, et le local host, c'est le hackerspace, le nom du hackerspace qui sera hébergé au lieu. Donc globalement, il y a les hauts lieux. Il y a les hauts lieux, dedans il y a le local host, mais pour l'instant en fait, comme c'est juste en train de se monter, c'est tout chaud. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a des places à prendre et il faut prendre contact si ça vous intéresse. Donc l'adresse c'est contact@le-localhost.org, mais il y aura donc l'adresse de contact sur le site. Pour l'instant en fait, c'est le local host qui prend techniquement un peu en charge tout ça, le temps que les hauts lieux se construisent et se mettent en place. Donc si vous voulez participer... donc à ce lieu, n'hésitez pas à envoyer un petit mail de très court en expliquant quelques lignes, votre projet et les objectifs. Hein, voilà. Ouais, voilà. Je suis qui, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Ouais. Voilà. Très court, hein, parce que sinon, tout lire. Voilà. Et donc l'un des sous-projets donc, du haut lieu, c'est le local host. Le local host qu'on essaye de... qu'on veut un véritable lieu d'expérimentation autour de l'électronique, autour des arts numériques, autour des logiciels libres, un peu d'activisme politique autour des libertés numériques, de la vidéosurveillance de tas de sujets. Donc faut pas hésiter à venir participer à ce lieu, à le faire vivre. C'est en plein bouillonnement et on manquera jamais assez de bras. Tous les gens qui sont intéressés par la bidouille, qui aiment rechercher un petit peu comment fonctionnent les choses, que ce soit en électronique, en informatique, décodeur, sont les bienvenus et il y aura une place chauffée, et on va mettre du matos en commun pour voilà. On passe tout de suite au dossier ou... Ouais, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? On fait une petite pause musicale rapide et puis comme ça, après on introduit le dossier ou on part direct dans le dossier ? Bon, je pense qu'on peut y aller directement. Allez, soyons fous. Vu qu'on est dans le vif du sujet. Donc, le dossier d'aujourd'hui va être consacré au mouvement Hackerspace. On va un peu expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un Hackerspace déjà ? Un Hackerspace, c'est un truc qui est pas très récent, qu'on pourrait peut-être faire remonter au début de la contre-culture hacker, au mouvement qui s'est lancé dans l'université américaine. Mm-hmm. Bien que la forme de hackerspace est vraiment apparue sur le tard, un peu sur le tard, et s'est formalisée sur le tard. Donc c'est la première chose, c'est un lieu physique, parce que bon, c'est bien d'avoir des communautés au niveau du logiciel libre. Au niveau du bidouillage de matériel, de la sécurité informatique, de l'exploration urbaine. Mais c'est bien d'avoir un lieu physique, un lieu où faire des conférences, où pouvoir juste avoir des moments de convivialité, pouvoir travailler sur ses projets, souder. Et donc c'est un lieu physique. Donc, parfois, on appelle ça un hackspace, ou hacklab, ou makerspace, ou creative space. Il y a plusieurs termes. D'autant que dans chaque hackerspace, dans chaque hack lab, il y a des gens différents, des projets différents, des cultures différentes. Donc, il se passe jamais vraiment la même chose. Donc voilà. Donc il y a le lieu. Il y a toujours cette volonté de travailler sur les sciences, la technologie, les arts électroniques. Donc vraiment. Des choses qui ont un lien avec la technologie, toujours de façon collaborative, dans un but de collaboration, d'émulation. C'est à la fois un atelier, à la fois un lieu communautaire. Ça peut être aussi un lieu de vie dans certains hackerspaces qui hébergent sur plus ou moins long terme des personnes. Donc, ça peut être aussi un lieu de travail. J'en reviendrai un peu sur certains hackerspaces. Et donc, il y a, au-delà donc, de la volonté de partager du temps, il y a aussi la volonté de partager des ressources, des gens qui vont ramener du matériel pour de la soudure de précision, des oscilloscopes qui coûtent assez cher. Donc, c'est vraiment la volonté de mettre en commun des ressources, ouais, tout à fait, c'est ça. Il y a Hackerspace où il y a des serveurs, on fait carrément de l'hébergement, on peut mettre en place des réseaux, le casser, le mettre en place. On a des machines de test, des équipements audio et vidéo, des consoles de jeux, des composants et divers appareils électroniques. Des fois, on trouve même dans certains hackerspaces des petits outils de mesure maison qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc c'est vraiment un lieu où on va profiter des ressources aussi bien physiques qu'intellectuelles des autres membres, en fait. Voilà. Donc ouais, un lieu de partage et d'échange, que ce soit de culture, de matériel, etc. Et donc les hackerspaces sont... Bah donc ce qui est vraiment très important, c'est le lieu, parce qu'il y a toutes les infrastructures derrière, il y a des accès à l'internet, des serveurs pour héberger les projets, des ressources disponibles. Mais derrière, il faut aussi des gens pour les faire vivre. Et donc là, il y a des organisations assez différentes, en fait, d'un hackerspace à un autre. Donc les hackerspaces, au départ, ont été... on était pas mal hébergés. Donc les hackerspaces ont été pas mal hébergés au début, à mon avis, au sein des universités, au sein des clubs de. Sont nés, à mon avis, dans des structures qui existaient déjà à l'époque. On a eu donc donc au-delà des communautés qui existaient déjà à l'époque de Homebrew Computer, il y a eu la volonté donc de créer donc des structures à part. Ces structures se sont fédérées que très récemment autour du site hackerspace.org où elles sont un peu toutes cataloguées. Il y a eu une fondation qui s'est créée au niveau de l'Angleterre, la Hackerspace Foundation. Ouais, typiquement, en fait, la France en est où au niveau hackerspace par rapport à d'autres pays, par exemple, si on veut comparer. Là, on parle d'une fondation en Angleterre qui collecte en fait des moyens à dispatcher. Je crois que la fondation regroupe 16 hackerspaces. Il y en a un à Londres, un à Bristol, un à Cambridge. Ouais, voilà, enfin, il y en a un petit peu partout. Avec des philosophies très différentes. Il y a celui de Manchester qui, du moins dans son site web, aborde beaucoup le côté créatif, culturel. Celui de Cambridge aborde plutôt. C'est le Make Space à Cambridge. Aborde plutôt le sujet des technologies au travers de leur exploitation commerciale, pas de leur exploitation. Ouais, d'accord. Donc en fait. Et en France, en fait, c'est relatif. Il y a eu. Historiquement, il y a eu le print qui est assez vieux, qui est assez lié à l'espace autogéré des tanneries, qui a été conçu comme un lieu militant autour donc du mouvement des squats. Historiquement, c'est pratiquement l'un des lieux les plus vieux et qui a été actif le plus tôt possible. Y a beaucoup des premiers hackerspaces qui sont parisiens. On peut penser au Templab à Vitry-sur-Seine, à la suite Logique. Il y a aussi donc le Digital Nonsense qui est assez récent, qui date d'août 2009. Il y a aussi en train de se construire toujours à Paris, il y a le Black Box et on a eu d'autres hackerspaces qui se sont développés. Depuis une petite année, il y a le Theta Lab dont on a parlé plusieurs fois et qui organise le THSF. On a à Nice le Nice Lab Riviera. D'accord. À Nantes, le Crea Lab. Donc le Nice La Riviera, ça serait donc en construction à peu près depuis décembre 2009, en cours de création, et hébergé par un Fab Lab, un lieu de prototypage et de... D'accord. Donc il y a le local Hostel Lille qui lui aussi en création depuis quelques semaines. Et à Nantes il y a le Créalab, et à Rennes il y a aussi un projet de lab donc qui est poussé par le LUG local et par le mouvement Hacker là-bas. Mais donc on est vraiment à la traîne par rapport à d'autres pays qui se sont où il y a déjà eu beaucoup plus de chemin qui a été fait, notamment en Allemagne et aux États-Unis où le mouvement Hacker a toujours été beaucoup plus actif. Au niveau des États-Unis, il y a des fonctionnements très différents. Il y a des associations, des associations qui sont soumises à taxes, d'autres qui ne sont pas soumises à taxes. Donc c'est les paragraphes 501 au niveau américain. Y en a qui sont sponsorisés ou non par des entreprises. Oui, par exemple, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a aux États-Unis carrément qui ont des subventions, soit des universités, soit carrément d'entreprises. Oui, notamment à Mountain View, donc la ville où il y a le siège social de Google, il y a le Hacker Dojo qui c'est un hackerspace où les gens en fait adhèrent au hackerspace pour $100 par mois, ce qui n'est pas Vraiment donné. Et qui est aussi sponsorisé par Google et Microsoft, en fait, qui donnent des subventions au lieu. C'est là qu'on voit qu'ils ont vraiment compris quel était le rôle du hackerspace, et au lieu de le diaboliser, ils sont conscients que c'est un vivier d'invention. Là, c'est même le Hacker Dojo, d'après ce que j'ai compris, c'est un lieu, c'est un hack lab, mais c'est aussi un espace de coworking, un espace d'hébergement les travailleurs. Pour les informaticiens, les conseils en informatique ou les ingénieurs indépendants pour travailler là-bas. Voilà. Donc ça c'est aux États-Unis. Il y a en Allemagne où le mouvement hacker s'est aussi pas mal structuré. Il y a à Wiesbaden, donc en Allemagne, il y a le CCC Mainz qui a été ouvert relativement sur le tard par rapport à l'histoire du CCC, qui a quand même plus d'une vingtaine, à peu près une trentaine d'années. C'est l'un des hackerspaces qui est affilié au CCC. Il y en a un qui est qui entretient des liens avec le CCC, mais qui n'est pas forcément une émanation, qui est très connue, qui est la C-base, donc C-base, qui est en plein Berlin. Donc c'est un lieu qui est assez, par rapport à d'autres hackerspaces, qui est complètement dans le... Dans l'artistique, même limite dans... La communauté qui gère le CIBAS a designé le lieu comme un vaisseau spatial, donc avec des effets visuels, des parois donc totalement délirantes. Il y a même toute une légende autour donc de la création de ce lab, comme quoi c'est à prendre au second degré, mais comme quoi ça serait donc une partie d'un vaisseau spatial qui se serait écrasé à Berlin, et dont la tour de télévision, parce qu'il y a une grande tour de télévision à Berlin, serait en fait un autre bout du vaisseau. Donc voilà, il y a même un C-Wiki, donc le wiki de la C-Base, qui normalement explique un peu le reste de la légende, comment c'est arrivé. D'accord, donc il y a carrément un folklore qui s'est créé autour de ce hackerspace, avec une histoire, un thème graphique et visuel. Et donc c'est un hackerspace qui est extrêmement vivant, parce que autour de ce hackerspace, il y a le mouvement de tout ce qui est culture libre, donc Wikipédia qui a tenu certaines réunions, il y a le Chaos Computer Club qui a fait certaines réunions là-bas, il y a le mouvement Fryfunk.net qui est un peu l'équivalent en France de WireSFR qui essaye de promouvoir un réseau, un peu un réseau internet mais en wifi mesh. Donc qui a aussi travaillé un peu là-bas. Donc voilà. C'est la CIBAS quand même relativement ancien, parce que le projet remonte à l'automne 95 en fait. Ça s'est structuré peu à peu pendant les années 2000 et ça existe depuis quelques années. Mais il y en a un peu partout. Quand on regarde sur le site hackerspaces.org, on en retrouve énormément en Europe continentale, surtout donc Allemagne, Pays-Bas, Belgique, quelques-uns en France, en Espagne, qui commencent à émerger. On retrouve les 16 et un peu plus de hackers du Royaume-Uni, mais il y en a un peu partout. Il y en a aussi pas mal aux États-Unis, mais on en retrouve aussi en Afrique, en Asie, un peu sur tous les continents. Dans les hackerspaces qui fonctionnent de façon un peu différente, bon, j'avais parlé donc du hacker dojo donc à Mountain View qui est pas mal sponsorisé, qui est sponsorisé par Google et Microsoft et où il y a une cotisation assez importante. Il y a dans d'autres pays comme en Slovénie, il y a le Cyberpipe ou Cyberpipe, je ne sais pas si je prononce bien, donc à Ljubljana, qui lui donc a été créé comme un centre culturel, un café internet et donc qui fonctionne lui en partenariat donc un peu avec les universités. En tout cas là c'est au niveau des programmes, c'est au niveau du financement je ne sais pas trop, mais au niveau des programmes et du travail, donc ça fonctionne avec plusieurs Media Lab donc de Slovénie avec des institutions. En parlant d'institutions, au niveau des hackerspace, une des institutions du mouvement hackerspace, c'est le Meta Lab. Ça fait partie de l'un des hackerspace les plus connus avec la CIBAS. Ça a été fondé en 2006, donc c'est relativement récent. C'est pas loin de la mairie de Vienne. Il y a un partenariat en fait. D'un côté, le Meta Lab en fait vit par lui-même de la cotisation de ses adhérents pour les frais courants. Donc il vit des cotisations, pour l'expansion, l'amélioration de cet espace, en fait, il y a un partenariat avec la mairie. Ça fait partie donc d'un programme net de la mairie, donc qui subventionne en partie le lieu. On voit que en France, on se prend pas mal le chou à expliquer que les hackers c'est pas méchant, que voilà. Et dans d'autres pays, on a les pouvoirs publics qui subventionnent le mouvement hacker et le mouvement hackerspace. Peut-être faire une petite pause musicale, on revient, on conclut pour ce sujet. Et puis on va un peu... Ça te va ? Allez, on fait comme ça tout de suite. Restez avec nous. Je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Je sais, mais j'ai envie de prendre les commandes. Nous voulions assurer votre protection. Ne sois pas ridicule. Mon ordinateur. Mes ordres à la lettre, mes ordres à la lettre, mes ordres à la lettre. Mais j'ai envie de prendre les commandes. Contre-culture, hacker, bidouillage, liberté numérique et société de l'information, c'est Random, l'émission radiophonique du groupe Dégénérescence Lille. Regarde par toi-même. Quoi ? Tout de suite ? Thank you. Voilà. Donc de retour dans le vif du sujet avec les Hackerspace, vous êtes toujours sur Radio Campus, 106.6 FM. Donc en gros, pour conclure un petit peu notre sujet là, on voit que la France, globalement, elle a eu un petit peu de retard, enfin, même elle a du retard par rapport à ce que peuvent faire nos voisins, je pense notamment en Angleterre, où on voit qu'il y a carrément une fondation qui regroupe plusieurs Hackerspace répartis dans tout le pays, qui récolte des fonds en fait et pour subvenir aux besoins de ces hackerspaces. On voit en Allemagne aussi des hackerspaces qui ont vraiment un ancrage important, enfin, où il y a vraiment des grosses activités. En France, un peu moins. Mais j'ai l'impression qu'un petit peu ça commence à se bouger pas mal en France. Je vois qu'il y a le Black Box, donc il y en a déjà pas mal sur Paris. Il y a le Black Box donc, qui est en cours de création sur Paris. Il y a Rennes aussi qui ont un projet. Là, il y en a un qui vient d'ouvrir sur Lille. C'est tout chaud, ça sort du four. J'ai l'impression quand même que même si on a du retard, c'est pas. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, quoi. Ça se bouge un peu en ce moment. Ça a tendance à avoir une bonne synergie avec nos voisins, avec la communauté, ça prend forme. Ouais, on voit récemment, il y a eu on revient un petit peu sur l'actualité qu'on a couverte récemment, mais à Rennes, une grosse manifestation qui s'est très très bien passée. Ouais, le BEC, où il y a eu des personnes d'Italie, d'Angleterre qui sont venues. Apporter des choses, des expériences. Voilà. Donc. Là, au THSF, il voilà. Y a les Espagnols qui échangent aussi, qui participent à l'événement. Et donc ça apporte pas mal. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour rebondir là en fait sur le fait que ça bouge pas mal en ce moment, donc l'info du jour c'est quand même le local host. Donc qui a ouvert, tout est à faire, les bonnes âmes et les bonnes volontés, et les gens motivés sont les bienvenus. A priori, on rappelle l'adresse email pour prendre contact. Donc c'est contact @le-localhost.org, pas trop compliqué. Voilà, avec le site qui est en cours de construction pour l'instant, j'y suis allé récemment, il n'y avait pas énormément de choses. Il y a un wiki, donc c'est www.le-localhost.org. Ah non, il n'y a pas encore de truc. Donc voilà, donc il y a juste pour l'instant, a priori, le site le-localhost.org. Et on va mettre peu à peu des articles sur la façon dont ça se déroule, des infos. Ouais, d'accord, donc ça va venir. Il y a tellement de choses à faire et tellement de choses qui se font déjà. Voilà, c'est. D'accord. On en reviendra de toute façon. On reviendra dessus au cours des prochaines semaines. Oui, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter de tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, je crois qu'il va être l'heure de passer à l'agenda gentiment. Donc l'agenda est assez fourni. Ça commence dès le lundi 17. Donc avec nos amis de CLX. Qui font une conférence 2 ans sur Facebook et je vais bien. C'est rigolo ça. Voilà. Donc ça sera comme d'habitude dans les locaux de l'Union française pour la jeunesse, donc 1 rue Macquart à Lille, donc c'est pas loin du Champ de Mars et donc c'est au bout du boulevard de la Liberté. En fin de semaine, le lundi 23, ça sera déjà l'émission random de 19h à 20h. Il faudra espérer qu'on soit en meilleure forme. Parce que là, voilà, et qu'on soit un peu moins perturbé par les éléments extérieurs. Ouais. Le 29 mai, donc là c'est à Paris, il me semble, c'est le Barcamp Big Brother Award 2010. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de nominés, parce que là, avec ce qui se passe en ce moment au niveau de l'actualité législative, c'est pas les candidatures qui manquent. Le vendredi 4 juin, ça sera déjà le meeting de 2600 Lille. Donc ça sera donc un rendez-vous à 19h30 sur la Grand Place de Lille. Du 28 au 30 mai, oui bon, il y a les dates qui se court-circuitent un peu. Du 28 au 30 mai, donc à Toulouse, il y a le THSF, donc organisé par le Data Lab. Le 3 juin, donc juste avant le meeting de 2600, il y aura aussi donc, la journée du logiciel libre et de l'interopérabilité, donc à l'UITA de l'Université de Lille 1, amphithéâtre 1 à 14, donc Donc elle sera sur le campus sur lequel est Radio Campus. Donc station cité scientifique. Le vendredi 4, donc du vendredi 4 au samedi 5 juin, il y aura donc à Maubeuge, organisé par l'association Akissi, les rencontres des solutions de sécurité et d'informatique libre. Donc voilà, où on essaiera d'être présent. Et... Bon. D'accord. Bon, bah voilà, l'émission se termine. Une fois n'est pas coutume, on va vous laisser avec une petite musique, c'est Nul Sleep. Alors le titre, c'est Dépêche Mode de Game Boy Minimix. Et ensuite, vous retrouverez votre émission d'électro préférée. Chupa avec Pimento. Ouais. Voilà. Donc bah, on vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Ciao.